quiconque passe au-delà de l'obstacle. ويتوجه إلى السترة مباشرة لأنه الظاهر من الأمر من الأمر بالصلاة إلى السترة وأما التحول عنها يمينا أو يسارا بحيث أنه لا يصمد إليها صمدا فلم يثبت. Il doit se diriger exactement vers l'obstacle, vers le pilier par exemple, et il ne doit pas s'en écarter un peu à gauche ou bien un peu à droite, car le hadith qui indique ceci n'est pas authentique. وتجوز الصلاة إلى العصا المغروزة في الأرض أو نحوها وإلى شجرة أو أسطوانة وإلى امرأته المضطجعة على السرير وهي تحت لحافها وإلى الدابة ولو كانت جملا. Il est permis de prier derrière un bâton planté dans le sol ou bien quelque chose de similaire ainsi qu'on l'a indiqué, ou bien derrière un arbre ou un pilier, ou bien même derrière sa femme. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié alors que Aïcha était devant lui, radiallahu anha, il était sur leur lit, et lui il était dirigé vers elle. Tout ceci n'est pas interdit. Elle était sous les draps, sous les couvertures. Il est permis de se mettre aussi derrière une monture, qu'elle soit assise ou debout, même si cette monture est un chameau ou un dromadaire. Pourquoi Cheikh Al-Albani rahimahullah dit ici même si il s'agissait d'un chameau ou un dromadaire, car il y a un hadith qui interdit de prier dans les étables des chameaux, et ceci est différent du fait de prier derrière un chameau qui n'est pas dans son étable. تحريم الصلاة إلى القبور ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. تحريم الصلاة إلى القبور l'interdiction Dieu juge qu'il est illicite et nous interdit de prier vers les tombes, vers les cimetières. Quand on dit vers, si maintenant il y a entre nous que ce soit des kilomètres ou bien à des centaines de kilomètres, ou bien à quelques centaines de mètres, un cimetière, ou bien une tombe, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui prie alors que les tombes sont devant lui. ولا تجوز الصلاة إلى القبور مطلقا سواء كانت قبورا للأنبياء أو غيرهم. La prière dirigée vers les tombes est interdite, qu'il s'agisse de tombes de prophètes eux-mêmes, ou bien de tombes de personnes pieuses, ou bien d'autres tombes. Les hadiths à interdire ce fait sont multiples, innombrables. تحريم المرور بين يدي المصلي ولو في المسجد الحرام. L'interdiction, l'illicité, de passer devant une personne qui prie, de s'interposer entre lui et l'obstacle qui est devant lui, même si ceci a lieu dans la mosquée de la Mecque. ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد فكلها سواء في عدم الجواز لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه يعني المرور بينه وبين موضع سجوده ولا يجوز المرور بين يدي المصلي إذا كان بين يديه سترة. Si une personne prie derrière un obstacle, il est interdit, il est illicite de s'interposer entre lui et son obstacle. ولا فرق في ذلك بين المسجد الحرام وغيره من المساجد. Cette interdiction concerne toutes les mosquées sans différencier la mosquée de la Mecque de l'autre mosquée. لعموم قوله صلى الله عليه وسلم, ainsi que l'indique le hadith qui englobe toutes les prières, tous les endroits de prière. لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. Le compagnon du prophète صلى الله عليه وسلم rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, si celui qui passe devant le prieur, qui s'interpose entre le prieur et sa sutra, savait les péchés qu'il récolte par son acte, il préférerait alors attendre 40, ici le rapporteur du hadith a oublié exactement la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il a dit préférer attendre 40 ans ou bien 40 mois ou bien 40 jours? Donc il préférait attendre cette période au lieu de passer au lieu de s'interposer entre l'individu et son obstacle. يعني المرور بينه وبين موضع سجوده quelle est la distance exacte qui ne doit pas être franchise, qui ne doit pas être piétinée par cette personne qui passe. Bien sûr, c'est la distance des pieds de l'individu où il se tient debout jusqu'à l'endroit où se pose sa tête s'il se prosterne. S'il passe bien sûr plus loin de cet endroit, il n'y a pas de problème. Omar Cheikh Al-Albani rahimahullah il dit: وأما حديث صلاته صلى الله عليه وسلم في حاشية المطاف دون سترة والناس يمرون بين يديه فلا يصح على أنه ليس فيه أن المرور كان بينه وبين سجوده. Il dit quant au hadith qui rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم a prié son sutra à la fin de circonvolution qu'il a effectuée autour de la Kaaba, et ce hadith rapporte que les gens passaient devant lui, il n'est pas authentique. Cheikh Al-Albani dit ce hadith n'est pas authentique. Il dit même s'il était authentique, il n'indique pas que les gens passaient, franchissaient la distance qu'il y a entre ses pieds sallallahu alayhi wa sallam et l'endroit où il posait sa tête s'il se prosternait. وجوب منع المصلي للمار بين يديه ولو في المسجد الحرام. L'obligation que le prieur a de repousser ceux qui passeraient, qui essaieraient de s'interposer entre lui et l'obstacle qui est devant lui, et même si ceci a lieu dans la mosquée de la Mecque, comme on a vu. ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه بالحديث السابق ولا تدع أحدا يمر بين يديك وقوله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفع في نحره وليدرأ ما استطاع وفي رواية فليمنعه مرتين فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ولا يجوز للمصلي إلى سترة أن يدع أحدا يمر بين يديه. N'est pas permis au prieur de laisser les gens passer entre lui et la sutra, ainsi que le prouve le hadith cité auparavant, la tada ahadan yamurru bayna yadayk, ne laisse personne s'interposer entre toi et l'obstacle ou bien passer devant toi. Wa qawlihi sallallahu alayhi wa sallam idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu min an-nas, lorsque l'un de vous prie derrière un obstacle qui le sépare des gens, فأراد أحد أن يجتاز بين يديه si à ce moment-là quelconque personne tentait de passer devant lui, c'est-à-dire entre lui et sa sutra comme on a vu, فليدفع في نحره, qu'il le pousse au niveau de la poitrine. النحر c'est juste entre le cou et la poitrine, c'est-à-dire qu'il le repousse délicatement au niveau du haut de la poitrine, et qu'il le repousse autant que possible, qu'il fasse tout son possible pour que cette personne ne fasse pas. Et dans une autre version du hadith, il doit le repousser deux fois. Si cette personne refuse et tente quand même, malgré ses tentatives de repoussement, de passer, qu'il le repousse, qu'il le combatte, qu'il lutte avec lui autant que possible pour qu'il ne laisse pas passer. On dit le muqatala, c'est le fait de repousser, de lutter, et c'est différent de al-qital bien sûr. Innama huwa shaytan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, le prieur a devant lui donc un diable. Al-mashyu ila al-amam li man' al-murur wa yajuz an yataqaddama khutwatan aw akthar yamna'a ghayra mukallaf min al-murur bayna yadayhi kadabatin aw tifl حتى يمر من ورائه. المشي إلى الأمام لمنع المرور. Le fait de marcher devant, de faire quelques pas jusqu'à s'approcher de l'obstacle plus pour empêcher pour empêcher une chèvre par exemple, ou bien un enfant qui veut passer, qui veut s'interposer entre la personne et l'obstacle. Il a dit وَيَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَ خُطْوَةً أَوْ أَكْثَرَ. Il est permis qu'il fasse un pas ou plus pour empêcher une personne ou bien un animal, une personne qui soit inconsciente comme un enfant qui ne sait pas ce qu'il fait, ou bien une chèvre, ainsi que le prouve le hadith que Cheikh Al-Albani a cité dans Sifat al-Salat, dont il a résumé ce livre. Il s'approche alors autant que possible de l'obstacle, même s'il se colle à cet obstacle. L'enfant alors, ou bien la chèvre, passe derrière lui. Ma yaqta'u as-salah, ce qui provoque l'interruption de la prière. Wa inna min ahammiyyati as-sutrati bis-salah annaha tahulu bayna al-musalli ilayha wa bayna ifsadi salatihi bil-murur bayna yadayhi بخلاف الذي لم يتخذها فإنه يقطع صلاته إذا مرت بين يديه المرأة البالغة وكذلك الحمار والكلب الأسود. Pour prouver l'importance de la présence de cet obstacle qu'il y a devant le prieur, c'est qu'il empêche que la prière de l'individu soit annulée, car il y a des hadiths qui prouvent que si une femme pubère, c'est-à-dire qui atteint l'âge de la puberté, passe devant le prieur, ceci annule sa prière. Et donc la présence de cet obstacle est à même d'empêcher le passage de la femme, par exemple, ou bien de quoi que ce soit qui provoque l'interruption de la prière. Contrairement à celui qui ne met pas d'obstacle, il ne peut empêcher alors le passage de tout ce qui provoque l'interruption, l'annulation, si on veut, de la prière. Entre autres, il y a des hadiths qui prouvent que si par exemple un âne venait à passer devant la personne qui prie, ou bien un chien noir, le hadith précise le chien noir, passer devant, si ces choses-là passaient devant le prieur, sa prière aussi serait annulée. Troisièmement, un niya. Un niya, c'est l'intention. Avant tout acte, la personne a dans l'esprit l'intention de faire cet acte-là. Si l'intention n'est pas présente dans l'esprit, ça veut dire que cet acte n'a pas d'importance, qu'il est sans âme. ولا بد للمصلي من ان ينوي الصلاه التي قام اليها وتعيينها بقلبه كفرض الظهر او العصر او سنتهما مثلا وهو شرط او ركن واما التلفظ بها بلسانه فبدعه مخالفه للسنه ولم يقل بها احد من متبوع المقلدين من الائمه ولا بد للمصلي من ان ينوي الصلاه التي قام اليها وتعيينها بقلبه. Le prieur, quand il va accomplir une prière, sans nul doute qu'il a cette intention-là à l'esprit. Il sait qu'il va prier, par exemple, la prière obligatoire du Dhuhr, ou bien la prière obligatoire de l'Asr, ou bien les prières non obligatoires qui accompagnent ces prières. Et cette intention est un pilier, ou bien un shart, c'est un élément obligatoire, nécessaire à la validité de la chose. Donc dans tous les cas, cette intention est obligatoire. Ou amma talaffuz biha, quant à la prononciation que font certains prononcent l'intention, ils croient qu'il faut dire des formules qui se traduisent par « Oh mon Dieu, j'ai l'intention de prier maintenant telle prière » qui n'est pas obligatoire, etc. Les formules que l'on entend parfois qui sortent de la bouche de certains gens. Cheikh Al-Albani dit que cette prononciation est une bid'a, c'est une innovation contraire à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni ses compagnons n'ont prononcé la niya au cours de prières. pourtant, ils ont accompli d'innombrables prières et personne n'a rapporté que l'un d'eux prononçait ces formules. ولم يقل بها أحد من متبوعي المقلدين من الأئمة. Il dit que même les imams, les quatre imams et les grands imams de que prétendent suivre ceux qui accomplissent, qui prononcent cette intention, même cela, aucun d'eux n'a dit qu'il était recommandable de prononcer ces formules à haute voix. Mais bien sûr, il faut les avoir à l'esprit. Rabi'an al-takbir. Le takbir, c'est le fait de prononcer Allahu Akbar. Et ceci est accompagné du lever des mains, ainsi que va le décrire le Cheikh Al-Albani rahimahullah. ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وهو ركن بقوله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ثم يستفتح الصلاة ensuite il débute sa prière, c'est à ce moment là avec cet acte là que va débuter véritablement la prière. ثم يستفتح الصلاة بقوله الله أكبر وهو ركن. Il prononce donc Allahu Akbar. Cette prononciation est un pilier de la prière sans lequel elle ne serait pas valable. Et la preuve de ceci est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Miftah al-Salati al-Tahur, la clé de la prière, donc la clé qui ouvre, qui va ouvrir la prière, c'est la purification, donc les ablutions. Wa tahrimuha al-Takbir. تحريمها شيخ الألباني دي أمارش أي وتحريم ما حرم الله من الأفعال وكذا تحليلها أي تحليل ما أحل خارجها من الأفعال والمراد بالتحريم والتحليل المحرم والمحلل تحريمها si on veut l'interdiction, qu'est-ce qui provoque l'interdiction? L'interdiction donc de tout acte extérieur à la prière, c'est le takbir. Je veux dire par là que lorsqu'on procède au takbir, lorsqu'on dit Allahu Akbar, tout geste externe à la salat devient interdit. Wa tahliluha at-taslim, la permission, le taslim, le fait de dire salamu alaykum, salamu alaykum, à la fin de la prière, cet acte, il nous donne, si on veut, la permission d'accomplir les gestes, les actes qui sont externes à la prière. ولا يرفع صوته بالتكبير في كل الصلوات إلا إذا كان إماما. Il ne doit pas, la personne ne doit pas élever sa voix en prononçant le takbir dans toutes les prières, sauf s'il est imam, pour que c'est lui qui conduit la prière, pour bien sûr que les prières derrière lui puissent le suivre et entendre le takbir de l'imam qui indique le passage d'une position de la prière à une autre position. ويجوز تبليغ المؤذن تكبير الإمام إلى الناس إذا وجد المقتضي لذلك كمرض الإمام وضعف صوته أو كثرة المصلين خلفه. Il arrive des fois que l'imam soit enroué ou bien qu'il soit malade et que sa voix ne porte pas jusqu'au rang qui sont derrière. Il est alors permis à celui qui prie derrière l'imam pour que cela ne provoque pas le désordre et que toute personne fasse cela, il est préférable que ce soit celui qui a fait l'iqama, que cette personne-là répète le takbir de l'imam. Donc ceci se fait lorsque le besoin est très fort. Ce geste n'est pas à faire, cet acte n'est pas à accomplir de la part de le mu'adhdhim à tout moment et à toute prière. Il doit être fait que lorsque le besoin s'en ressent, quand l'imam donc est malade. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. ولا يكبر المأموم إلا عقب انتهاء الإمام من التكبير. المأموم, c'est la personne qui prie derrière l'imam. Il y a donc l'imam et le ma'moum, et tous ceux qui prient derrière l'imam, chacun d'eux est appelé ma'moum, bien sûr. Il n'est permis à l'imam de faire takbir que lorsque l'imam lui-même a achevé son takbir après qu'il ait achevé de dire Allahu Akbar, à ce moment-là, le ma'moum prononce le takbir lui-même. رَفْعُ الْيَدَيْنِ وَكَيْفِيَتُهُ. Le fait de lever la main, de quelle façon procède-t-on à ceci ? وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ مَعَ التَّكْبِيرِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي السُنَّةِ. Le prieur lève ses mains en même temps qu'il procède au takbir, mais il peut aussi lever ses mains juste avant de prononcer Allahu Akbar, ou bien même il prononce Allahu Akbar et puis juste après il lève ses mains. كُلُّ ذَلِكَ ثَابِتٌ فِي السُنَّةِ. Tout ceci est rapporté par la sunnah, tout ceci le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Donc faire tantôt ceci, tantôt cela, tout cela reste dans le cadre de la sunna. وَيَرْفَعُهُمَا مَنْدُودَتَ الْأَصَابِعِ. Il lève ses mains, les doigts doivent être allongés, ne doivent pas être pliés, ainsi que l'indique la sunna. وَيَجْعَلُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ وَأَحْيَانًا يُبَالِغُ فِي رَفْعِهِمَا حَتَّى يُحَاذِيَ بِهِمَا أَطْرَافَ أُذُنَيْهِ. وَيَرْفَعُ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ. Il lève ses mains jusqu'à hauteur des épaules. وأحيانا يبالغ في رفعهما حتى يحاذي بهما أطراف أذنيه. Et parfois, le prieur peut les lever jusqu'à ce que ses mains atteignent ses oreilles à peu près, jusqu'à ce qu'elles parviennent à proximité des bouts des oreilles. On a dit, Cheikh Al-Azan dit, قلت وأما مس شحمة الأذنين بإبانيه فلا أصل له في السنة بل هو عندي من دواعي الوسوسة. Cheikh Al-Albani dit, rahimahullah, ce que font certains quand ils lèvent leurs mains, ils touchent avec leurs pouces le bout des oreilles, il n'y a aucun de preuve à cela de la sunna, et à mon avis, ceci leur est inspiré par les soupçons qu'inspire le diable, l'waswasa, et donc le prieur n'a pas à toucher le bout des oreilles avec ses pouces. وضع اليدين وكيفيته. À quel niveau doit mettre le prieur ses mains et de quelle façon. ثم يضع يده اليمنى على اليسرى عقب التكبير وهو من سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسدالهما. Ensuite, il pose sa main droite sur la main gauche juste après avoir accompli le takbir, après avoir dit Allahu Akbar et après avoir levé ses mains de la façon que nous avons décrite. وَهُوَ مِنْ سُنَنِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ. Le fait de poser la main droite sur la main gauche est une chose suivie et appliquée par les prophètes de tout temps. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné ceci à ses compagnons. وأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه فلا يجوز إسدالهما. En conséquence, puisque le prophète صلى الله عليه وسلم a ordonné, a recommandé à ses compagnons ceci, et que ceci est la sunna du prophète de tout temps, il n'est donc pas permis de ne pas le faire. ويضع اليمنى على ظهر كفه اليسرى وعلى الرسغ والساعد. De quelle façon doit-il apposer la main droite sur la main gauche? Il pose sa main droite sur le dos, donc pas sur la paume, mais sur le dos de la main gauche, qui est elle-même apposée sur la poitrine. Ou à la rousserie, au sa'id. Il peut mettre la main droite soit au-dessus du poignet de la main gauche, ou bien soit au-dessus sur l'avant-bras gauche. وَتَارَةً يَقْبِدُ بِالْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى. Et tantôt, il cramponnait, il agrippait de sa main droite la main gauche. Le Cheikh Al-Albani, rahimahullah, dit en marche, وَأَمَّا مَا اسْتَحْسَنَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْوَضْعِ وَالْقَبْضِ فِي آنٍ وَاحِدٍ فَمِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ. Il dit certains prétendent que la sunna n'est pas d'apposer simplement tantôt la main droite sur la main gauche et tantôt d'agripper. Ces personnes disent que la sunna est de regrouper les deux façons, c'est-à-dire en même temps que la main droite est apposée et la grippe aussi la main gauche. De quelle façon Cheikh Al-Albani ne l'indique pas ici, mais il l'indique dans Sikat Salat, le livre d'origine. Il dit, c'est-à-dire certains doigts agrippent la main gauche alors que d'autres sont simplement posés. Donc Cheikh Al-Albani dit qu'il n'y a pas de délit, il n'y a pas de preuve à ce que prétendent ces personnes, et que donc ceci est rejeté. Mahallu al-waba, l'endroit où doivent être posées les mains, sur lequel doivent être posées les mains. Wa yada'uhuma ala sadrihi faqat. Ar-rajulu wal mar'atu fi dhalika sawa'. Il doit donc poser ses deux mains, la main droite sur la main gauche, sur la poitrine. Il dit qu'il n'y a pas de différence entre l'homme et la femme à ce niveau. Omar il dit قُلْتُ وَوَضْعُهُمَا عَلَى غَيْرِ الصَّبْرِ إِمَّا ضَعِيفٌ وَإِمَّا لَا أَصْلَ لَهُ. Quant aux positions qui sont signalées dans certains ouvrages, comme par exemple le fait de mettre la main droite sur la main gauche, sur le ventre par exemple, ou bien عَلَى النَّحَرْ, entre la poitrine et le cou, Cheikh Al-Albani dit c'est les hadiths que tu dises, ces personnes qui prétendent ceci sont soit baïf, soit ils n'ont pas d'origine, soit ils sont inauthentiques, la chaîne de rapporteur n'est pas fiable, soit le hadith est la asal alahu, c'est-à-dire cité dans certains ouvrages sans chaîne de rapporteur. Le khushu' ou an-nazaru ila mawdi' as-sujud. Le khushu' l'apaisement, le recueillement que doit observer le prieur, ou un nazaru ila mawdi' as-sujud, et le fait qu'il doit observer au cours de la prière l'endroit où au cours de la prosternation se trouvera posée sa tête. Taban, bien sûr, pourquoi même le regard doit avoir une direction unique au cours de la prière, c'est pour permettre un recueillement bien appliqué, car s'il était permis au prieur de regarder à droite et à gauche, il ne pourrait pas se recueillir, il ne pourrait pas faire attention à ce qu'il dit lors de sa prière. Donc, عليه أن يخشع في صلاته وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش. Une prière doit donc s'appliquer à observer un recueillement profond au cours de sa prière. وأن يتجنب كل ما قد يلهيه عنه من زخارف ونقوش. Il doit éviter de ne pas prier devant ce qui pourrait le distraire, par exemple de prier devant des ornements, des sculptures. فَلَا يُصَلِّ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَشْتَهِيهِ. De la même façon, il ne doit pas prier alors qu'il a faim et que le repas est à sa proximité, qui sent son odeur ou bien qu'il le voit. وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ. Il ne doit pas prier, il n'est pas permis de prier s'il a un besoin pressant dans les toilettes. وينظر في قيامه الى موضع سجوده. Quand il est debout et il lit le Coran, en s'assoyant debout de la prière, il doit donc diriger son regard vers l'endroit de la prosternation, vers l'endroit où sa tête sera posée lorsqu'il sera prosterné. ولا يلتفت يمينا ولا يسارا فان الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاه العبد. Il ne doit pas donc regarder à droite et à gauche, il ne doit pas se détourner et regarder à droite ou à gauche. فإن الالتفات اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد. Car le fait de se tourner au cours de la prière est un dérobement, est une chose que le diable dérobe, est une partie de la prière que le diable dérobe. Ainsi que le prouve un hadith que Cheikh Al-Albani cite dans le livre d'origine. وَلَا يَجُوزُ أَنْ يَفْعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ. Il n'est pas permis au prieur aussi de regarder, de lever sa tête vers le ciel. دُعَاءُ الْإِسْتِفْتَاحِ. Le dua, l'invocation que prononce le prieur au moment où il débute sa prière, juste après qu'il ait procédé au takbir, il prononce un certain dua. ثم يستفتح القراءة ببعض الأدعية الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي كثيرة. Il entame aussi sa prière, il entame en débutant par la lecture, juste avant la lecture, il prononce donc une des invocations qui sont multiples, qui sont nombreuses, et parmi lesquelles la formule la plus célèbre et une des plus courtes est سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك سبحانك سبحانك c'est une façon de reconnaître que Dieu est parfait et que aucun défaut ne connaît aucun défaut. Donc cela voudrait dire au Dieu loin de toi tout défaut si on veut. وبحمدك et tout en tout louant. وتبارك اسمك et immense soit la gloire et la bénédiction de ton nom. وتعالى جدك ولا إله غيرك. الجد c'est la majesté, la magnificence. Donc تعالى جدك veut dire haute soit ta gloire et ta grandeur, haute soit ta magnificence et ta majesté, voilà il a rayrok, et il n'y a de Dieu que toi, bien sûr, avec tout ce que cela signifie, c'est-à-dire que Dieu est le seul créateur, le seul pourvoyeur, et qu'il est le seul à mériter à être adoré, que donc celui est adoré justement. Tout ce qui est adoré autre que lui est adoré injustement, et que Dieu a les noms et attributs parfaits. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné, nous a incité à prononcer ce hadith, ce dua au début de la prière. Il convient donc de ne pas l'abandonner, de ne pas le délaisser, mais toujours débuter la prière avec. Bien sûr, il existe d'autres invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam prononçait parfois, peut-être en d'autres circonstances, et pour prendre compte de ces invocations, il faut s'en référer, il faut revenir au livre d'origine Sifat al-Salat, comme dit Cheikh al-Albani. ومن شاء الاطلاع على بقية الأدعية فليراجع صفة الصلاة صفحة 72-73 من الطبعة العاشرة أو الحادية عشرة. القراءة la lecture au cours de la prière que doit lire le prieur. ثم يستعيذ بالله تعالى وجوبا ويأثم بتركه. Il doit, après avoir prononcé la formule précédente, s'en remettre du diable, s'en remettre à Dieu du diable, et ceci est obligatoire, et toute personne qui délaisserait cette formule volontairement, bien sûr toute personne capable de la prononcer et qui la connaîtrait et qui ne s'en remettrait pas à Dieu, il aurait alors commis une faute et il aurait alors échoué. La sunnah an yaqula taratan أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه والنفث هنا الشعر المذموم. Je m'en remets donc contre le diable, contre la démence qu'il provoque. من همزه, certains rapporteurs du hadith l'ont expliqué par المؤتة. المؤتة, c'est-à-dire une sorte de démence que le diable provoque. ونفخه, c'est-à-dire contre son orgueil, l'orgueil qui l'inspire, qui provoque en la personne. ونفخه est contre la vile poésie qui l'inspire. Ainsi l'a expliqué certains rapporteurs du hadith. Pourquoi on a dit la vile poésie qui l'inspire? Car la poésie dans l'islam n'est pas rejetée totalement, mais il est constatable, chacun peut constater, que la plupart des poètes utilisent leur poésie pour changer la réalité des choses, soit pour décrire ce qui est vil, pour lui donner une beauté, ou bien pour rendre vil ce qui est véritablement beau. Ainsi que Dieu dans le Coran a dit, قال المولى عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. Il dit, les poètes sont suivis par ceux qui suivent leur mauvaise passion, ceux qui sont pervers, c'est-à-dire en majorité, la majorité des poètes. وأنهم يقولون ما لا يفعلون, et ils disent, ils prononcent avec leur bouche des vers de poésie et prétendent qu'ils font ce qu'en vérité ils ne font pas. Ce jugement porté sur les poètes est, comme je l'ai dit, un jugement porté sur leur majorité, pas sur la totalité, car juste après Dieu a dit إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, sauf ceux qui ont véritablement cru et qui accomplissent de bonnes œuvres. وَتَارَةً يَقُولُ أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْسِهِ. C'est-à-dire, tantôt, des fois, il a jeté, au même hadith, il a jeté السَّمِيعِ الْعَلِيمِ, le premier dua, il n'y avait pas السَّمِيعِ الْعَلِيمِ, qui sont deux attributs de Dieu, il y avait simplement أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. La deuxième façon est d'ajouter les deux attributs de Dieu, Sami' al-Alim. Sami', celui qui entend tout parfaitement, que certains traduisent par l'audion. Al-Alim, l'omniscient, celui qui sait tout. Sans limite. Celui qui sait tout, qui connaît toute chose sans limite. ثم يقول سرا في الجهرية والسرية بسم الله الرحمن الرحيم. Ensuite, qu'il soit dans une prière qui s'accomplit à haute voix, ou bien qu'il soit dans une prière qui s'accomplit en basse voix, il lit en lui-même, à voix basse, c'est-à-dire en bougeant les lèvres, le son, que les sons sortent, il lit بسم الله الرحمن الرحيم, qui veut dire, ainsi que nous l'avons déjà dit, au nom de Dieu, l'infiniment miséricordieux, celui qui est miséricordieux envers ses créatures. قراءه الفاتحه. الفاتحه, c'est la première sourate du Coran, elle est appelée ainsi parce que c'est elle qui ouvre le Coran, c'est elle qui débute le Coran. الفاتحه, c'est ouvrir, donc elle est appelée الفاتحه. قراءه الفاتحه, la lecture de la sourate al-Fatiha au cours de la prière. ثم يقرأ سورة الفاتحة بتمامها والبسملة منها وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها فيجب على الأعاجم حفظها. Ensuite, il lit سورة الفاتحة en entier. Il lit cette sourate qui comprend cette verset, donc qui est une courte sourate, et il lit بسم الله الرحمن الرحيم, comme on vient de le dire dans le paragraphe précédent. Donc il commence la lecture de cette sourate après avoir dit أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه, il dit بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين, et ainsi de suite, il prononce tous les versets de cette sourate. وهي ركن لا تصح الصلاة إلا بها, et la lecture de cette sourate est un pilier sans lequel la prière de 1000 personnes ne serait valable. Il est donc obligatoire aux personnes qui ne sont pas arabes, qui entrent dans l'islam et qui ne connaissent pas l'arabe, il aurait obligatoire de l'apprendre. Celui qui ne peut prononcer cette sourate, par exemple une personne qui ne soit pas arabe, qui a fait tous les efforts possibles pour apprendre ces sourates, mais en fin de compte n'aurait pu l'apprendre, il lui est permis dans ce cas de dire Subhanallah. C'est-à-dire, je reconnais que Dieu ne connaît aucun défaut. Alhamdulillah. La louange est en entier à Dieu. Wa la ilaha illallah. Ainsi qu'on l'a traduit. Il n'y a de Dieu que Dieu. C'est-à-dire, il est pourvoyeur et de créateur que Dieu. Et celui mérite d'être adoré. Et c'est lui qui possède les noms et attributs parfaits et complets. Allahu Akbar. C'est-à-dire, Dieu est le plus grand. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa la hawla. Il n'y a rien qui puisse être accompli. Il n'y a rien qui puisse être changé d'un état à un autre état. Wa la quwwata. Il n'y a de force illa billah qu'avec l'aide de Dieu, qu'avec la permission de Dieu. Wa sunnatu fi qira'atiha an yuqatti'aha ayatan ayah. يقف على رأس كل آية. La façon dont lisait cette sourate, la façon avec laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam lisait cette sourate, c'est qu'il la lisait verset par verset en s'arrêtant à la fin de chaque verset. De cette façon, la façon suivante, فيقول بسم الله الرحمن الرحيم ثم يقف. Donc il prononce بسم الله الرحمن الرحيم, qui est le premier verset de la sourate, ainsi qu'on l'a vu, ثم يقف, puis il s'arrête. ثم يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف. Ensuite il dit الحمد لله رب العالمين, qui est le deuxième verset de la sourate, puis il s'arrête. ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف. Ensuite il dit, donc le troisième verset, الرحمن الرحيم, il s'arrête. ثم يقول مالك يوم الدين ثم يقف وهكذا إلى آخرها. Ainsi de suite, il dit chaque verset séparément. الحمد لله رب العالمين, la louange en entier, la louange entière est à Dieu, le maître de l'univers. ثم يقف, ثم يقول الرحمن الرحيم, الرحمن الرحيم, on l'a dit, c'est celui, الرحمن, c'est celui qui est pleinement miséricordieux, الرحيم, celui qui est miséricordieux envers ses créatures. ثم يقف, ثم يقول مالك يوم الدين, celui qui possède le Seigneur, c'est-à-dire le Seigneur du jour de la résurrection. ثم يقف وهكذا الى اخره. وهكذا كانت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم كلها يقف على رؤوس الآي ولا يصلها بما بعدها وان كانت متعلقه المعنى بها. الشيخ الباني dit c'est ainsi que se faisait la lecture du prophète صلى الله عليه وسلم. Il s'arrêtait à la fin de chaque verset sans l'attacher, sans faire de liaison avec le verset suivant, même si le verset qui suivait, même si le verset qui suit a une relation, a un sens, a une relation avec le verset qui le précède. ويجوز قراءتها مالك ومالك. Il est permis de lire le quatrième verset, مالك يوم الدين. Il est permis de le lire parce que c'est l'enchaînement. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de deux façons. Il est permis de lire مالك يوم الدين en prolongeant donc ma du début, مالك يوم الدين. Et il est permis aussi de lire مالك يوم الدين sans prolonger ma, مالك يوم الدين. قراءة المقتدي لها, le fait que celui qui prie derrière l'imam doive lire cette sourate. Et quand doit-il obligatoirement lire cette sourate, c'est-à-dire sourate al-Fatiha, et quand doit-il simplement écouter l'imam. ويجب على المقتدي أن يقرأها وراء الإمام في السفرية وفي الجهرية أيضا إن لم يسمع قراءة الإمام أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة ليتمكن فيها المقتدي من قراءتها وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة. Il est obligatoire à celui qui prie derrière l'imam de lire surat al-Fatiha, même si l'imam ne prie pas à haute voix, car comme on va le voir, il y a des prières qui ne s'accomplissent pas à haute voix, qui s'accomplissent à basse voix, c'est-à-dire celui qui prie derrière l'imam ne l'entend pas lire. Bien sûr, quand il se conduit en silence, il est évident que celui qui prie derrière l'imam doit lire surat al-Fatiha. Et dans les prières, et lors des prières qui se conduisent, qui s'accomplissent à haute voix, si le, celui qui prie derrière l'imam n'entend pas la lecture de l'imam, il est obligatoire de lire Surat al-Fatiha. Par exemple, si on prend l'exemple de Surat al-Maghrib, de Salat al-Maghrib, pardon, Salat al-Maghrib, les deux premières raka'at, l'imam ne lit pas en silence, il lit à haute voix. Donc, celui qui prie derrière, il écoute. Et lors de la troisième raka'a, l'imam se tait, donc il lit à basse voix, sans que ceux qui prient derrière l'entendent. Celui qui prie derrière, ceux qui prient derrière, donc doivent la prononcer. Il arrive aussi que l'imam, que celui qui prie derrière l'imam, soit trop loin de l'imam et qu'il n'entende pas la lecture de l'imam. Dans ce cas-là, il doit lire. الشيخ دي أو سكت هذا بعد فراغه منها سكتة يتمكن فيها المقتدي من قراءتها وإن كنا نرى أن هذا السكوت لم يثبت في السنة الشيخ دين سكتة شوازيز كم أذي كالإمام دعا أبخل الجود لفاتحة marqué en silence pour permettre à ceux qui sont derrière lui de la lire à leur tour. Cheikh Al-Albani il dit, moi je considère que ce silence, il n'y a aucune preuve qu'il appuie, il n'y a aucune preuve